quelqu'un a éteint la lumière dans le ciel brusquement. Brusquement, brusquement. Cette light star qui brillait hier a disparu soudainement. Soudainement, soudainement. Habitué à ta présence, à l'écoute de tes résonances, on n'aurait jamais imaginé qu'un jour tu puisses t'évaporer. Galaxie, galaxie, galaxie. Ton absence nous fait pleurer.